Poursuivons notre lecture de l'Évangile de Saint Matthieu tout au long de cette année liturgique A. Matthieu est un écrivain sacré qui a composé son Évangile en particulier pour les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive qui se sont convertis, qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Et il est l'évangéliste du royaume des cieux. C'est une expression qui revient souvent chez lui. Ce royaume des cieux est inauguré d'abord dans la personne de Jésus. C'est les premiers mots de sa prédication. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est parmi vous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Toute la première partie de la mission de Jésus consistera à manifester ce royaume, cette présence de Dieu au milieu de nous, d'abord par sa prédication et ses miracles. Et la deuxième grande partie dans laquelle nous sommes depuis 3 semaines, qui bascule à partir de la profession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », est une période plus de repli où Jésus, après avoir donc inauguré le royaume des cieux, eh bien, veut maintenant le manifester dans sa mort et sa résurrection et surtout poser les bases de son Église qui sera le signe de ce royaume pour tous les siècles jusqu'à son retour dans la gloire. Et nous sommes dans cette deuxième partie donc, de l'Évangile de Matthieu, fondation de l'Église, préparation aussi au drame de Pâques, la mort et la résurrection. Et dans cette deuxième partie se trouve ce qu'on appelle le discours ecclésiastique. C'est un grand terme pour dire que Jésus coach ses apôtres sur la question de la vie en Église, de la vie en communauté. Et nous avons donc un passage sur la correction fraternelle. Mais derrière ça, vous sentez bien qu'il y a un enjeu plus large. Quand 2 ou 3 sont longs, là, dit Jésus en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que l'Église est une communion qui manifeste la présence de Dieu dans le monde. Jésus dit, soyez un comme le Père et moi, nous sommes un, afin que le monde croie. Donc cette unité, cette communion des personnes dans l'Église n'est pas un équipement en option, c'est au cœur de la vie de l'Église. S'il n'y a pas cette communion de vérité et de charité, le royaume de Dieu n'est pas manifesté parmi nous. Alors c'est une question centrale et Jésus ici va nous montrer qu'il peut y avoir de graves obstacles à cette vie de la communion. Si ton frère a commis un péché, il ne s'agit pas de n'importe quel péché ici, ce n'est pas si vous trouvez que votre frère est gourmand ou qu'il est paresseux, mais ce sont des péchés qui touchent, qui blessent la communion de l'Église, des péchés qui sont publics d'une certaine manière. C'est un peu comme si vous chantiez dans la chorale et puis vous chantez faux. Alors, gentiment, peut-être un autre choriste va lui dire, là, c'était un petit peu bas, là, il faudrait que ça soit plus haut. Non, c'est pas moi qui chante faux, c'est toi. Ah, OK. Alors, vous allez le laisser continuer, puis ça va durer un certain temps, vous allez voir un de vos copains, tout ça, va dire, peut-être que si tu venais avec moi lui dire qu'il chante pas juste, qu'il faudrait qu'il corrige un petit peu, alors vous allez à 2, 3, il dit, non, c'est moi qui chante juste, corrigez-vous, vous. Fait que vous allez aller voir le directeur de la chorale, toute la chorale va lui dire, écoute, excuse-nous, mais là, tu chantes faux et ça gâche tout le chant. Et là, s'il vous dit, non, c'est vous tous qui chantez faux, c'est ça un petit peu le problème qu'on a ici avec la correction fraternelle. C'est-à-dire que si quelqu'un blesse cette symphonie qui est l'Église, je dis une symphonie, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'instruments, de voix, et c'est très bien, Dieu veut pas nous uniformiser, mais cette diversité, elle joue la même partition, puis on essaie de jouer juste. Et puis, si on joue faux, on se fait corriger, bien, c'est bien d'accepter cette correction. Et après, on est réintégré dans cette communion. Si ton frère t'écoute, tu auras gagné ton frère, et il sera, après cette correction, rétabli dans la communion fraternelle. Alors, il y a une montée graduelle vers des sanctions plus graves, comme l'exclusion. Ça existe dans l'Église, ça a toujours existé. Ça existe, moi, je me rappelle quand je jouais au hockey, si tu mangeais la poque, ben tu chauffais le banc. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais jamais de passe puis que si tu gardes la poque tout le temps, ben, au bout d'un certain temps, le coach te dit, ben écoute, tu ne reviendras pas à la prochaine game, puis si tu te corriges, ben l'Église fait ça aussi. Par exemple, on a des hérétiques, des gens qui enseignent des choses qui sonnent pas juste dans le concert de la vérité. Alors, on les avertit une fois, deux fois, puis ils disent, non, c'est l'Église qui se trompe, c'est moi qui ai raison. Ah, OK, ben écoute, on va aller voir le pape, on va aller voir, et tout le monde lui dit, ben non, tu te trompes. Et bien, non, c'est... Alors, ça s'appelle les hérétiques, et parfois, ils peuvent être excommuniés. Et on appelle ça, dans le langage canonique, une peine médicinale, c'est-à-dire que on veut pas envoyer la personne en enfer, mais on veut lui donner une sanction grave qui lui fasse prendre conscience de la gravité de sa faute pour qu'il se réintègre à la communion de l'Église. Donc, vous sentez, cet aspect névralgique de la vie de l'Église, qui est cette communion de personnes qui est comme une réfraction de la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans le concert de la charité et de la vérité. Et Jésus a vraiment voulu donner cette autorité à l'Église, c'est clair, il dit « Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous voyez comme l'Église est le ciel, l'Église est Dieu, bien c'est une réalité ces deux réalités qui sont vraiment unies profondément par la puissance du Saint-Esprit. Et quand on est rétabli dans la communion avec Dieu, par exemple dans le sacrement de la réconciliation, on est automatiquement rétabli dans la communion avec l'Église. C'est comme une même réalité. Au fond, l'Église, on l'a dit, c'est la manifestation du royaume des cieux. D'une certaine manière, c'est Dieu qui est sur la terre grâce, encore une fois, à la communion de nos personnes dans la vérité et la charité. Ce soir, je voudrais prolonger un petit peu cette réflexion sur la question du service dans la vie chrétienne, parce que vous allez avoir une annonce tout à l'heure, ce qu'on appelle la foire au service. C'est pas une foire, là, c'est pas la foire, mais vous avez compris que c'était le marché au service. On va vous proposer de prendre un service dans l'Église. L'année dernière, on avait parlé du ticket Saint-Thomas, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour prendre le train de la vie paroissiale. Bien, il y a trois choses. Il y a la prière, le service et la formation. On pense ici que c'est un trépied qui permet à des chrétiens de se tenir debout et d'entrer dans la dimension pleine de la vie ecclésiale. Une vie de prière personnelle, une vie de formation, parce que normalement, vous devriez avoir ce désir de vous former quand vous aimez Dieu, vous voulez le connaître davantage, quand vous voulez évangéliser, vous voulez être capable d'être équipé pour cela. Et puis, vous mettre au service, parce que Jésus dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Or, le service, c'est une manière objective, concrète, palpable de vivre la charité. Et pas forcément le service, comme souvent on voit ça des jeunes convertis, il y en a beaucoup ici, c'est magnifique, et puis ils viennent nous voir, puis ils disent, ben, monsieur le curé, je voudrais servir l'Église, bon, c'est très bien, et d'ailleurs j'ai ce projet pour vous. Ah, merci, intéressant, on l'écoute, tout ça, c'est très beau, mais c'est pas tout à fait ça l'esprit de service. C'est pas je veux faire ce que j'ai envie de faire dans l'Église. Le service, c'est d'abord se mettre au service d'un projet qui me précède, qui est là, c'est-à-dire une communauté paroissiale, comment je peux faire pour rendre service. C'est une disponibilité. On a ici un signe avec Michel, qui est un diacre. Diakonos, en grec, ça veut dire serviteur. Et donc, se mettre au service, c'est la charité, mais c'est aussi une manière de s'intégrer comme pierre vivante dans l'édifice de notre paroisse. Parce que Très concrètement, quand on se met en service, on rencontre d'autres jeunes, on se fait des amis, et puis notre communion fraternelle grandit. Parce qu'il y a une maladie, j'observe, moi, chez certains chrétiens, parfois on voit des gens qui viennent à l'Église depuis fort longtemps, et on voit que la coquille individualiste n'a jamais craqué. Cet esprit du monde a comme jamais été anéanti chez eux. On vient à la messe, on reçoit sa piqûre spirituelle, puis on rentre à la maison, on est très content, voyez. Mais ça, c'est pas normal dans une vie chrétienne. Parce que si on a rencontré Dieu profondément, qu'on avance sérieusement dans la foi, il devrait y avoir un moment où on a le désir de servir la communauté, très concrètement, encore une fois, en se mettant au service. Alors, c'est ça qui vous est donné de vivre. Peut-être vous dites que je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas bon, etc., mais il y a des choses qui m'intéressent. On va vous présenter différents services, mais il faut y aller avec humilité, avec simplicité. C'est vrai que c'est gênant, des fois, d'aller dire « ben, je voudrais faire cela », mais c'est une bonne conquête, c'est un bon acte d'humilité, justement, de le faire. Et puis, on va vous demander des choses, puis peut-être que ça va vous paraître au-delà de vos forces. Mais combien de fois, et moi-même je l'ai expérimenté, j'ai vécu des dépassements parce que on m'a demandé un jour peut-être de venir chanter un psaume, je ne l'avais jamais fait. Bon, ben, j'étais gêné, je tremblais, et puis ça ne s'est pas si mal passé, puis je l'ai fait deux ou trois fois, puis finalement, je m'en suis trouvé heureux. Mais si on ne me l'avait pas demandé, et si je n'avais pas marché sur mes craintes, ben, je n'aurais pas connu cet épanouissement dans ma vie chrétienne de venir devant toute une assemblée chanter un psaume, voyez. Mais ça peut être la même chose dans d'autres services qui vont vous être proposés. Donc, voyez comment le service, encore une fois, ce n'est pas en équipement, en option dans notre vie chrétienne, mais je pense que c'est dans l'équipement standard. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont au tout début de leur vie spirituelle, ils ne se sentent pas encore assez sûrs de se mettre en service, ça se comprend, mais si ça fait un certain temps que ça roule pour vous, il serait normal que ça s'épanouisse dans cette dimension concrète. Alors, le Seigneur, donc, nous appelle à manifester le royaume des cieux sur la terre. Nous avons eu une journée extraordinaire avec le festival Saint Thomas, qui était une manière de manifester le royaume avec du jogging, avec du beach volley, avec de la danse, etc. Mais les gens ont vu la communauté chrétienne et il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui étaient au service de ce festival. Et ça a permis, moi j'ai passé la journée à rencontrer des gens qui ne sont jamais rentrés dans cette église et qui habitent notre quartier. Mais si j'ai pu faire cette mission, eh bien, c'est parce qu'il y avait toute cette armée de bénévoles, toutes ces structures. Il y avait même le Saint-Sacrement qui était exposé aussi au coin de la rue. Vous aviez un arbre, vous savez, juste au coin, là. Puis voilà, Jésus était là et il était fou de joie, laissez-moi vous le dire, de pouvoir rayonner dans notre quartier. Mais tout cela, vous voyez, frères et sœurs, c'est possible grâce au service. Et le service est source de joie, source de croissance dans notre vie chrétienne personnelle et communautaire. Amen.